다시 한번 숨을 내쉰다. 걸어도 걸어도 같은 길. 들판에서 오르는 연기. 배추, 미역, 푸른 언덕. 두 사람이 했던 이야기 여기서부터 지운다. 닫혀진 대문. 종을 내리고 울렸다. 오랜 고향에서 불어오는 산들바람, 바람에 실려오는 글자들. 능선에서 아무리 몸을 뒤채도 홀로 앉아, 홀로 누워 아무리 몸을 뒤채도 얼굴을 버리고 그녀 위에 몸. 지붕에 핀 밭꽃. 커지기도 했지만 작아지기도 했다. 한쪽 발을 절룩거리며 둘은 얘기를 계속했다. 엉킨 풀과 이파리들, 그녀의 느린 동작 흠뻑 젖었다. 찢어진 치맛자락, 하지만 말하지 않는 나. 흙에 묻힌다면 눈을 뜰 수 있겠는가? 뿌리로부터 해 두 나무. 밤마다 너에게 너로 인하여 지쳐가고 새끼 손가락에 묻은 연지 땀 머리를 풀어내었다. 비둘기, 부채, 목신 소리, 다리도 가슴도 떨린다. 입술, 눈썹, 더 빨리 가자고. 더 안 돼. 더 더 빨리 더 가자. 더 사람들이 와서 쓸어 놓은 길. 견고한 빛. 흘려 쓴 글씨. 우리가 빨아들이는 물이 아니다. 그녀는 해라고 쓴다. 그녀는 당신이라고 쓴다. 그녀는 과거나 미래가 없는 시간이라고 쓴다. 하얀 냇물. C'était John John. Je vais vous dire, il y a un blanc de 10 secondes, mais je croyais que la chanson allait se terminer après. Parce que quand je l'écoute, les lumières sont fermées. Okay? Je suis couché. Donc, je ne sais pas qu'il y a un 10 à 12 secondes qui sert à rien. En tout cas, pour les gens de radio, là. C'est sûr qu'il doit avoir une histoire sur ce silence-là. On disait à propos de Beethoven, même le silence entre les pièces sonores sont de Beethoven. Bon, je vais recevoir du courriel. C'est pas Beethoven, c'est Mozart, Raymond. Ah oui, je sais pas encore. Merci. Mais attendez. Qu'est-ce que c'est ça, ces bibites-là? Qu'est-ce que c'est ça, ces bibites-là? Mais oui, merci, mais c'était hier. Mais merci mille fois. Je suis touché, là. J'ai le cœur qui palpite. Je vais peut-être m'évanouir. On va repasser encore la chanson deux fois. Non! Hey, j'ai voulu me faire plaisir. John Zorn. Quelqu'un que j'estime au plus haut point, qui est beaucoup plus à la recherche de la sonorité que Frank Zappa pouvait l'être. Mais bon, la différence entre John Zorn et Frank Zappa, John Zorn est expérimental. Frank Zappa l'était, mais d'une manière un peu plus commerciale. Moins hermétique, voilà. Tandis que John Zorn, c'est un tantinet élitiste, mais... J'ai aucun problème à le diffuser à mon émission CKRL, puisque nous sommes ouverts à tous, à tout, à tous aussi. Nous sommes ouverts. Et merci. Oh, arrêtez. OK. C'est les... je sais, c'est le garçon qu'on a enfermé dans les toilettes hier. Un trouble fête, il y en a comme ça. Hein? Il s'improvise. De un, il n'était pas invité. Pour ça qu'il s'improvise. Qu'il s'est improvisé. De deux, je ne le connaissais pas. De trois, il m'a dit qu'il allait me présenter sa sœur. J'ai jamais vu sa sœur. Donc, on l'a fermé des toilettes parce qu'il a commencé tranquillement à déraper dans ce... Là, j'ai dit, c'est peut-être... Merci. OK. Oui. mais moi, je crois que c'est un auditeur fidèle de CKRL. Donc, c'est peut-être le Rénal de Gagné numéro 2. On ne sait pas. On a peut-être cloné un autre animal. Comment ça va, vous autres? Ah, l'été. été notre objectif, hein? Pendant nous, les Québécois, les gens de la nordicité, on a une belle fixation sur l'été, on se réveille, là, hein? Au mois de juin, le début juin, on dit, c'est l'été bientôt, on se rentre ça dans le cabochon, parce que ça a été l'hiver, ça a été l'automne longtemps, l'hiver qui s'éternisait, il voulait pas s'arrêter cet hiver-là, c'est un hiver, l'hiver voulait, nous aime. Alors, on peut pas empêcher un cœur d'aimer, madame. Vous le savez très bien. Nous, les esclaves masculins qui entourons votre vie, qui embrassons vos jours, vos soirs, vos nuits, on peut pas empêcher un cœur d'aimer. L'hiver a un grand cœur. Qui nous donne un haut le cœur. Puis c'est tellement haut, c'est ça qui est curieux, qu'à chaque fois, même si c'est si élevé qu'on touche au zénith, essaye de toucher au zénith. Pas facile. Sauf si t'es une vedette, une étoile montante, mais là, lorsque c'est un peu comme l'hélium, hein, lorsque ça monte, profite-en pour toucher, touche à tout! Parce que quand tu vas redescendre, tu vas nous raconter. Tu es là pour nous divulguer ce qu'on ne peut pas connaître. Ça, c'est important. T'es un peintre, t'es un danseur de haut niveau, t'es un dramaturge. Tu as un succès. Profites-en. Lorsque tu grimperas, lorsque tu léviteras et tu pourras voir du bout de ton œil l'étoile que tu caressais tant, cette étoile que, comme le chantait Jacques Brel, l'inaccessible étoile, tiens-la dans ta main. Essaye de te blesser sur les épines, sur les pointes, pour revenir chez nous en bas en nous disant, regarde, c'est du sang qu'une étoile m'a fait. Je me suis graffiné. Puis là, on va t'envoyer à l'hôpital. Non pas en soins psychiatriques. Pour prendre l'ADN de l'étoile. Qu'est-ce que... les savants doivent connaître ça. Les chercheurs. Pas les savants, les chercheurs. Les savants. On est tous des savants, les enfants. Les savants fous. Il y en a beaucoup de savants fous. Mais on s'en fout. C'est pour ça que... Mais ce qu'il faut savoir... C'est qu'il n'y a rien à savoir, ça, je le dis souvent. Mais en même temps, d'un même élan, quand tu reviendras, on veut tout connaître. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Hey, tu sais, nous autres, on fait des petits succès, tu sais, des petites émissions. On présente ça à la grande radio, c'est CQRL. Ça s'en va dans les ondes universelles, même pas de monde, universelles! Je parle actuellement et ça s'en va partout. C'est incontrôlable. On met aucune laisse, on met aucune adresse de retour. Tu pars en voyage. Tu déménages un peu flou. Non, c'est quoi là? Tu pars en voyage. Tu déménages n'importe où. Pom, pom, pom, pom. N'importe où, n'importe quand. N'importe l'argent. Oh yeah. Dis-moi tout sur terre. Oh yeah. Mais c'est ça, c'est quand t'es là. Il faut prendre... c'est difficile de prendre des photos quand t'es en haut. Je crois que c'est trop élevé. Les ondes, hein, ça peut pas s'imprimer, ça peut rien faire. Mais le narrer, le chanter, le raconter, l'écrire, nous le faire partager, c'est déjà beaucoup. Alors, si vous passez par là, écrivez-moi renaldquebec@commercial.com. Je suis allé trop vite, comme d'habitude. renaldquebec@commercial.hotmail.com. Bon, là, Reynald Québec, comment? Reynald, R-A-Y-N-A-L-D, Québec comme la ville, mais sans accent, enlever tous les accents, à commercial@hotmail.com. Et si vous avez des photos, si ça s'est rendu, si je peux voir la pointe de l'étoile, puis votre sang, ben, ce serait bien gentil de m'en donner une petite fiole. Ah oui. Moi, je veux garder, je veux analyser ça, je veux vérifier. Et tout ça a touché à l'étoile. C'est très important. C'est même une raison de vivre. Alors, moi, je me réveille le matin, hein. J'ouvre mon frigo et là, je souhaite d'avoir du lait. Parce que moi, manger des céréales, pas de lait. Prendre un café, pas de lait. Même si de la crème. Moi, je demande de la crème quand même. Je ne réclame que la crème de la crème. Il n'y a rien de moins. J'ai juste une vie à vivre. Donc, j'essaye d'avoir le maximum. Pas ici pour souffrir, moi, là. Je suis ici pour avoir du plaisir. Pour réfléchir aussi pourquoi on m'a placé dans cette situation-ci, maintenant, à cette période, à cette époque, dans un corps qui est le mien, avec le bagage intellectuel que j'ai. On va pas. Oh non, le bagage, là. J'ai brisé deux sacs à dos. Donc, j'ai dit, je vais m'en racheter un autre. Peut-être plus grand. Parce que moi, je suis toujours en train de chercher, moi. Je suis comme un sondeur. Donc, je sonde. Je parcours, je place dans mon sac à dos. Après ça, j'ouvre ce que j'ai mis à l'intérieur et je revisite, je regarde, j'explore. Je prends le temps de m'imbiber. Et ça, Renald, oui. Alors, pour prendre le temps de t'imbiber, tu prends le temps de t'imbiber. Parce que hier, j'ai bien remarqué que lorsque tu... Voyons donc, oui. Lorsque, on dirait, j'ai une flammagie cellulaire. Est-ce que parce que je trouve... Discuter avec le cellulaire, ça donne-tu le cancer de la cellulaire au niveau de la cellulite, ici, là, du visage? Ça m'étire plus. On dirait que le coup, là, arrête. J'ai plus de... Ça va pas, puis je suis heureux. Mais on dirait que ça va mieux. Quand ça va pas, ça va mieux. Quand ça va trop bien, hein, tu poses des questions. Comment ça, ça va bien? Mais voyons donc. Faut passer des épreuves dans la vie, là, si on veut grandir. Pourquoi, moi, je me réveille le matin, là? Je suis en pleine forme. Je suis heureux. Je souris. J'ai les yeux limpides, souriants, protocolaires, heureux, hein? C'est pas normal. Non. Il faut se lever du mauvais pied. Grinchouillé. Oh non. Fermez le cadran. Moi, je fais. Il n'y a pas de cadran qui sonne, moi. Je me réveille avant le cadran. Je me réveille même pas, moi. Je suis tout le temps ouvert. Oui, tout le temps ouvert, allumé, les yeux fermés. Mais non, les yeux grands fermés, comme disait Kubrick. Toujours les yeux grands fermés, moi. Toujours grand fermé. Mais là, grand, là. Tellement grand que quand, je m'en vais dans un bar. Tu sais, c'est pas vraiment un bar reconnu, là, tu sais. On peut dire, là, rapproche-toi. Je peux pas parler trop fort, là. On est dans la clandestinité. Dans la clandestinité. Je comprends pas. Je sais, tu comprends rien. Si je le crie, ça sera plus clandestin. Ah oui, c'est un secret. Quand j'arrive devant je connais trois bars comme ça, underground, là, c'est bien plus qu'underground, là, qui existent, mais pour des membres privilégiés. Puis là, tu te demandes qu'est-ce qu'il faut pour être un membre privilégié. De un, faut être un membre. De deux, faut être privilégié. Et puis, ouais, là, je sais, là, vous allez encore m'envoyer des affaires comme « Ah, ben, t'es trop clair, puis on dirait que tu veux pas qu'on nous voir la binette. » Non, je veux voir la binette, là. Mais il faut avoir les moyens économiques. Parce que c'est pas donné quand la porte ouvre, là. Non pas qu'il y a des machines à sous, Mais il y a bien d'autres choses pour te faire dépenser. Tiens, ça fait que... Puis le code? Si ça semble louche, puis il y a une petite porte qui s'ouvre. Et c'est à ça que je vais en venir, la petite porte qui s'ouvre, là. Tu vois deux yeux, là. Avec ben de la graisse. Bonjour. C'est moi. Qu'est-ce que tu veux? J'aimerais bien rentrer ici. Si. Rentrer ici où? Ben, être avec toi, partager, puis aller dans les salons. Dans les salons? Ben, c'est un bar clandestin. Oh! OK. Mais est-ce que je peux rentrer? T'as-tu le code? Oui, j'ai le code. Tu l'as le code. Qui? Tu l'as le code. Qui? Tu l'as le code. Qui? Tu l'as le code. Qui? Tu l'as le code. Qui? Tu l'as le code. Qui? Tu l'as le code. Qui? Tu l'as le code. Qui? Tu l'as le code. Qui? Tu l'as le code. Qui? Tu l'as le code. Qui? Tu l'as le code. Qui? Tu l'as le code. Qui? Tu l'as le code. Qui? Tu l'as le code. Qui? Tu l'as le code. Qui? Tu l'as le code. Qui? Tu l'as le code. Qui? Tu l'as le code. Qui? Tu l'as le code. Qui? Tu l'as le code. Qui? Tu l'as le code. Qui? Tu l'as le code. Qui? Tu l'as le code. Qui? Tu l'as le code. Qui? Tu l'as le code. I'm a hell of a man, I'm a hell of a man, I'm a hell of a man, I'm a hell of a man. Quelque part, je m'en souviens plus. Le code, le code. Je sais plus le code, monsieur. Tu peux pas rentrer, man. Non, hey, laissez-moi. Parce que je suis membre, hein. J'ai ma carte de membre, mais j'ai pas le nom du. Le nom, là. Le... Je sais que normalement, c'est anodin de dire ça, là. Même vous allez me traiter d'imbécile et je suis presque heureux que vous le fassiez, que vous me le disiez. Parce que c'est vrai, je suis un imbécile. Tu sais, pendant la prohibition, bon, il y avait une phrase, hein, ben pas une phrase qui disait les carottes sont cuites. OK, man, tu peux rentrer, hein? Non, mais c'est non, mais ben, oui, je veux rentrer. Mais c'était les carottes sont cuites. Ben, tu peux rentre, man! Je suis rentré. Puis là, en rentrant, je me suis dit, voyons donc, oui. Ils ont pas été aussi original que ça. Ils ont gardé la même phrase que l'on utilisait pendant la pro-web. Oui, je dis pro-web parce qu'on coupe tous les mots aujourd'hui, hein. On n'a pas le courage de dire... les mots, on coupe tout. Hein? Bon anniversaire, c'est compliqué. Bon anif. Ah, mon... On dirait que c'est moins sincère, bon anif. Là, surtout qu'il y en a, hein. Bon asnif. Eh, mais ce sont deux semaines avant. Bon asnif, ma soeur. Non, mais il se mêle, hein. Il se mêle. Ça se mêle, ces choses-là, là. Ça dépend. Mais pourquoi raccourcir tout? Bon après-midi. Bon après-midi. Ben non, c'est après-midi. Après-midi. Ben oui, après-midi. C'est... Bonsoir, c'est bon. Sais-tu pourquoi? Parce que là, ta journée est passée, là. T'es fatigué, à moitié mort. Puis tu dégonfles. Fait que bon... Oh, on est dans un salon. Say that again, please. Oh, on est le salon. On est le salon. Whipping post? Okay, just a second. On est dans le salon de Frank. Les carottes sont cuites. Oh, sorry, we don't know that one. Anything else? Hum me a few bars of it, please. Just show me how it goes, please. Just sing me whipping post, and then maybe we'll play it with you. Thank you very much. And now... Je comprends rien, c'est de l'anglais. C'est normal. Judging from the way you sang it, it must be a John Cage composition, right? Right. Here we go, Montana. One, two, three, four. Can't possibly start the song off like that. Good God, that's inexcusable. What happened to you last night? George has a tape of it. George has a tape of it? Okay, use that in the second show. Ready? Montana. Wait a minute, whipping post. No, Montana. One, two, one, two. Too fast for you. One, two, one, two, three, four. Helsinki soon, just to raise me up a crop of dental floss. Raising it up, waxing it down, tying it to the whipping post in the middle of town. But by myself I wouldn't have no boss, 'cause I'd be raising my lonely whipping post. Raising my lonely whipping post. Raising my lonely whipping post. Well, I just might grow me some thongs, but I'd leave the heavy stuff to somebody else. How about Chester? And then I would get a person, tie them up to the whipping post, and beat the living shit out of them until that guy in the audience was satisfied. But by myself, I would have no boss, 'cause I'd be raising my lonely whipping post floss. How unique. Moving to Montana soon now. I'm gonna be a metal tossed tycoon. Yes, it's such a ballad in this temple. Thank you. Booger Bear. Boogers anywhere. Hey, c'était Frank Zappa, comme je vous l'avais presque promis, mais c'était bien sûr jamais très clair. Je savais pas si je devais, mais pourquoi pas? Là, je me chanterai jamais cette chanson. J'aurais du bain, du don, du non, parce que j'ai bien fait. Sinon, j'espère que pour ce soir, cette émission vous convient. Vous êtes dans un élan. Vous attendez mes invités avec beaucoup de plaisir. Pour ma part, j'ai comme le cœur qui palpite. Non, c'est pas... Ouais, il y a des... Mordou, Madame Thibodeau, vous avez la langue mal tournée. Ouais, je vous ai entendu dans l'oreillette. Heureusement que le public n'a pas entendu ça, moi. Parce que, bon, je peux le dire. Mais je le ferai pas. Tout le monde s'attendait à une confidence. Hey, il va se passer quelque chose, enfin. Non, il se passe toujours des affaires ici. Sur cette station-là, c'est les ondes les plus survoltées en ville. Même si tout le monde tire sa couverture. Ça, j'haïs ça. Parce que à mon boulot alimentaire, on nous a placé une radio que je nommerai pas. Il y a là une voix qui nous mentionne régulièrement. Les meilleures chansons. Les meilleures chansons selon qui? Selon Mathieu? Selon Saint-Paul? Saint-Fidèle? Saint-Fidèle castré? Parce que pour moi, ce que j'entends là, Céline, là. Céline négative, Céline dit non, là. Hey, elle a une tournée qui s'appelle Courage. Courage. Ça. Hey, voilà. Ça, c'est mon côté, là. Grognon. Comment une vedette mondiale, pas de talent. T'as dit pas de talent? Ben, j'ai dit pas de talent. L'aime pas. Hey, elle amène une tournée qui s'appelle Courage. Qu'est-ce que le courage? Bon, là, ses fans, elle a perdu René, elle est prête avec lui. Avec qui? Ben, avec l'autre, là. L'autre René, ben, la projet. Alors, vous, là, avec les raccourcis, je comprends pas. Projet qui? Un projet, ah, c'est un projet secret. Ben non, la progénie. Ça va bien? Veux-tu que j'appelle la police? L'ambulance? Non, la progéniture! Ah, la progéniture! Son fils! Il me semble qu'elle a plus qu'un fils, elle. Elle doit avoir 3-4 enfants. Hein? 3-4 enfants. Pas enfants, mais enfants. Elle a des enfants. Hey, courage. Pour moi, le courage, là, c'est pas ça. C'est une famille qui se réveille à 5 heures du matin, pour réveiller les enfants, les amener à la table pour le déjeuner, les faire déjeuner, leur faire leur toilette, les habiller, les préparer pour l'école. Puis avant ça, là, il y a eu les études, puis tout ça, là, hein, la veille. Bon. Puis de leur côté, s'habiller rapidement, se brosser les dents rapidement, se peigner les cheveux rapidement, embarquer toute cette belle famille dans une voiture, puis aller les mener à l'école. Souvent, c'est pas la même école. Ensuite de ça, aller au travail, revenir du travail, aller chercher les enfants, faire les leçons, les devoirs. Là, on va rapidement, là. faire la toilette, les laver. Moi, je les fais manger avant, là, mais après ça, tu vois, on les lave, puis on se prépare un petit dodo, on raconte une petite histoire, mais ils ont fait leur devoir, leur leçon, bon, hein, bon. 20 heures, tranquillité, le petit couple est crevé, ils s'en vont se coucher, parce que le lendemain, c'est la même chose. Ça, c'est du courage. Mais l'autre, là, partout dans le monde, elle a son enfant, c'est pas grave les enfants, elle a des, hein, des gardiennes, des infirmières, elle a tout le monde qui peut avoir des médecins, des cardiologues pour elle, pour pomper le cœur gauche, court, on a combien de cœurs, madame? On a deux cœurs, nous autres? Un cœur, mais un cœur à l'ouvrage, hein, s'il vous plaît. Ça n'a rien à voir avec le courage d'une c'est la vie et c'est comme ça. Bon, bon, bon. Chami, c'est la vie, c'est comme ça. C'est comme ça. Aujourd'hui, le lundi 3 juin 2019, les errances rénaldiennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Une colombe est partie en voyage. Et c'est temps de la chasse. Il s'en va faire son voyage. J'espère que, oui, l'amour et l'amitié à volonté. Et qu'il va chanter. OK. Oubliez les... Et pour nous envelopper dans un enchantement narratif, unissons-nous. Ah, c'est là que mon adrénaline prend toute sa vivacité. Pour la deuxième fois. Puisque je les ai rencontrés il y a quelques années. Deux trésors, deux joyaux du théâtre. Isabelle Loriot et Marie-Hélène Aubert. Deux filles formidables. Vraiment, je les rencontre et ça me fait plaisir. C'est comme une récréation. Il y a des invités que je connais pas trop ou que je revois deux, trois fois, mais qui sont assez instables. J'en nommerai pas, mais il y en a aussi qui sont du bonbon. Ce couple-là, merveilleux. Merveilleux. Une dramaturge, une comédienne, des gens qui ont des choses à dire, des féministes, des belles personnes que j'adore, que j'embrasse. Et j'aurai le plaisir de vous les refaire partager la semaine prochaine parce qu'il y a une suite. Quand j'ouvre le micro devant elle, c'est... Elle au pluriel, ce n'est que du bonheur et que des propos intelligents, intéressants. Et grâce à elle, j'ai l'air brillant, imaginez-vous. Grâce à elle. Une colombe est partie en voyage. Bon, hey, avant de partir en voyage, hein, avec les enfants, parce qu'on aime ça des enfants. Mais oui, j'aime ça des enfants. Moi, j'en ai plein d'enfants. Ils sont pas à moi, mais j'ai plein d'enfants. Et puis, oui. Comment ça? Ben, mes anciennes amoureuses ont eu des enfants que j'ai traités comme les miens, puis aujourd'hui, je les revois, puis c'est ça. Mais c'est pas les miens. Donc, c'est... Ah! Merci! Ils l'ont sorti! Ah, merci! OK. Alors, on y va avec mes deux amis. Pour le plaisir de me faire plaisir, je vous les représente, Isabelle Loriot et Marie-Hélène Aubert. Et ce qui est intéressant, c'est que Isabelle, ben Jean Leloup en a fait une chanson, puis Marie-Hélène, ben le grand Québécois. Marie-Hélène venait d'avoir 20 ans, elle était seule dans son appartement. Ben oui, Sylvain Lelièvre. Deux noms, deux prénoms qui nous rappellent, qui nous ramènent à notre Québec que nous aimons tant. Mais maintenant, transportons-nous sur la rue des Abbesses à Paris dans le 18e en juillet 2018 avec mes deux étoiles. brillante, scintillante, sublime. Oh, j'arrête parce que vous allez dire « Il est en amour, ne laisse pas passer la chance d'être aimé, le cœur devient moins lourd. » Quand on est en amour. Je n'ai personne où aller. Le cœur se fait trop sombre, que la lumière devient l'ombre, et que mon âme est trouée. Je n'ai personne où aller, pas de ventre où poser ma tête, pour écraser la petite bête qui me rongerait. Penser un tombeau de solitude que l'on garde par habitude, un petit morceau d'inquiétude. Je n'ai personne où aller, et chaque recoin du monde seconde après seconde. Je n'ai personne où aller. Je n'ai personne où aller. Mes yeux se ferment pour me dire qu'il serait temps d'en finir et se mettre à pleurer. Et se mettre à pleurer. À pleurer. Ta barbe alors. Non, oh. Ben là, ça dépend, là, pas aujourd'hui, mais t'as même un peu plus. Ça dépend, oui. On essaie de modifier un peu. Bon, c'est bien. Et toi, comment ça va? Ben écoute, ça va, excellent. Ça va. Ouais, pas mal. Depuis la dernière fois, ça fait trois ans, deux ans. Alors justement, je disais ça à mon copain, je fais attends, j'ai vu Reynald. Il y a trois ans, je crois. C'était peut-être il y a trois ans. Oui. On était sur deux temps d'horreur, sur la résistance. Hein. Oui. Donc il y a trois ans. Oui. T'imagines ce temps. Ben, le temps. Et nous rajeunissons. Ah ben oui, ben pourquoi pas. Oh, ben, c'est oui. Formidable. Non, mais c'est entre les deux oreilles. Hein. Mm. C'est entre les deux oreilles, le vieillissement. C'est comme c'est le vrai reste. Ou pas. C'est comme le reste. C'est vrai. Bon, t'es arrivé quand, toi? Ah, moi, je suis arrivé dimanche. Non, je suis arrivé samedi, je repars dimanche. Donc, je fais 8 jours. Tu fais une semaine. Et t'as vu Aline, ouais. Alors? Aline Stinus. Tu l'as vu, non, Aline? Non, je l'ai vu l'année dernière, mais cette année, je sais pas si... Ah, c'était une photo de l'année dernière, je crois que c'est une photo ouais. De là. Ah non, je fais constamment des photos de mes rencontres. Donc, puis en plus, là, je sais pas ce qui s'est passé, ma carte m'a comme abandonnée. Donc j'ai dû enlever. Oh, les lunettes. Ouais, je mets mes lunettes parce que ça me pique les yeux. Okay. Je me suis pris de la clim et j'ai une espèce d'angine et ça me pique les yeux. OK. Dans le train. Et donc, je vais récupérer, mais parce qu'il faut rentrer un logiciel pour aller chercher ce qu'on a manqué à cause du fait que ma carte n'était pas fonctionnelle. Ah bon? Très. D'accord. Mais en tout cas, peu importe. Qu'est-ce que tu bois, toi? Oh, ben moi, là, j'ai pris un jus de fraise tout à l'heure. Moi aussi, je vais boire un truc. J'ai hyper soif. Ah, les jus de fraise ici sont sublimes. Ah non? Hein? Hein? Trop sucré? Ouais, peut-être trop sucré, mais... Isabelle. C'est moi. Oui, allô. Marie-Hélène ne devait pas passer. Si, si, elle va arriver. Elle est okay. En retard. Mais tu sais, Marie-Hélène est toujours en retard. Ah oui, ah. Oui, non, mais Marie-Hélène, c'est... Et encore, alors, là... c'est toi qui ouvre toujours. C'est moi qui suis là, la plus... OK. La plus pro, en fait. Ah oui, ah non, non, non, non. Je déconne. Moi, je vais prendre un jus de... Un jus de... J'en ai marre de boire du jus, des trucs comme ça. Le jus, moi j'avais pris un jus de pamplemousse aussi tout à l'heure. Ouais. Ah, tu bois beaucoup de jus toi du coup? Ben, parce que là, commencer à boire de la bière à cette heure-ci. Ouais. Puis surtout que. Ça dépend du sommeil. Quand tu dors bien, c'est, ça va. Quand tu dors pas bien, tes souhaits. Et quand tu dors pas bien, t'as-tu des allergies? Non, c'est parce qu'en fait, j'ai pris. J'ai passé le week-end chez mon père. En province, j'ai pris le train pour revenir et il y avait une clim, mais alors démesurée, mais c'était, mais tellement j'avais froid, mais sauf que comme il fait chaud dehors, t'as pas de polaire, t'as pas de pull et tout ça, donc forcément dans le train t'es comme ça, t'as froid, tu sors, il fait chaud et je pense que ça m'a complètement, et j'ai très mal à la gorge en fait. Ah, ouais. Ah. Et là, comment ça s'est déroulé pour cette pièce-là, parce que là t'avais l'air un peu sur la vague de cette enfin de ce qui allait se réaliser, parce que tu as travaillé longtemps avant que tout ça prenne forme. Sur le pacte des sœurs, là? Oui. Bah, non, mais c'est marrant ce qui s'est passé avec cette pièce-là, parce que en fait, le projet a été apporté dans la compagnie du Sceau de l'Ange par okay. une comédienne avec qui Marie-Hélène travaillait. OK. Donc le roman, en fait, s'appelle... Natacha Henry, l'origine de ce truc-là, c'est qu'il y a une auteure qui s'appelle Natacha Henry, qui a écrit un livre qui s'appelle Les Sœurs Savantes. Oui. Qui a été publié maintenant il y a 2 ou 3 ans. Ok. Ce livre revient sur la relation qu'entretenaient Marie et Bronia, donc les Marie avant Curie et Bronia avant Nouska, donc les sœurs. Les sœurs de ça, oui. La sœur de, okay. de Marie Curie. Oui, oui, oui. Et on découvre tous un peu, enfin surtout bah, elle, la conférencière historienne qui a écrit ce livre, découvre quand même que Marie Curie avait une frangine. Ok. Qu'elle a cachée. Bonjour. Bonjour, je vais vous prendre un jus de pomme avec plein de glaçons. Très bien. Moi, je vais prendre un jus d'orange. Bien sûr. Merci. Et Mais pourquoi elle l'a cachée? C'est pas qu'elle l'a cachée, c'est que si tu veux, c'était dit, mais c'était pas. Voilà, elle avait une sœur, quoi. Oh, oh, oh, okay. Sauf que sa sœur, déjà, avant d'être. Enfin, c'est sa sœur, mais le destin de Marie Curie ne serait certainement pas le destin qu'on connaît sans sa sœur. Donc, ça, peu de gens l'ont dit et peu de gens l'ont soulevé. Bah, justement, c'est un peu ce qu'elle s'est posé comme question, Natacha Henry. Ouais. Mais pourquoi? Et d'autant qu'ils avaient une relation extrêmement fusionnelle. Hein. Que c'était l'aînée Bronia, elles ont perdu leur mère jeune de la tuberculose. Okay. Donc la mère, elle avait, enfin les sœurs avaient 12 et 9 ans, tu vois, 12 et 10 ans. Et donc la Bronia a pris vraiment sa sœur, tu vois, sous son aile, exactement, avec le père bien sûr. Donc en fait, c'est une espèce de relation comme ça extrêmement forte entre les deux. Mais l'écart d'âge entre les deux, c'était de 3 ans. Ah, ok, mais c'est possible. Ouais. Okay. Et donc c'est vraiment incroyable cette histoire. Et puis et on apprend surtout que la première à être allée à la Sorbonne à Paris, c'est Bronia, la sœur aînée, parce qu'elles ont fait un pacte quand elles étaient petites. Parce que la mère est morte, certes, mais le père, c'était quand même des intellos de Pologne, de Varsovie, qui étaient donc envahis par les Russes. Et les Russes interdisaient aux femmes, aux filles, de poursuivre les études. Donc du coup, le père, il voulait quand même que les filles et les garçons, enfin qu'il y ait une vraie parité, c'était un féministe avant l'heure. Il sait, en plus, ça vient d'un homme, donc c'est merveilleux. Exactement. Et il voulait que les filles, comme son fils d'ailleurs, réussissent aussi, donc il n'y avait pas de raison. Sauf que, bah ouais, mais pour faire des études, une qui était passionnée par la médecine et l'autre passionnée par les sciences, si les Russes interdisent l'accès aux cours à l'université, il faut partir ailleurs. Mm-hmm. Donc, c'est super cher, en effet. Et donc, les sœurs scellent un pacte un soir dans leur chambre en rentrant du collège. Et Bronia dit à Marie, il faudrait que tu ailles à Paris, t'es la plus douée des deux. Et la sœur, et Marie Curie dit à sa sœur, non, c'est toi l'aînée, c'est toi qui vas à Paris. Et quand tu auras de l'argent, suffisamment que tu auras réussi ton diplôme de femme médecin gynécologue, je te rejoindrai à Paris et moi j'irai à la Sorbonne suivre mes cours de sciences physiques. Voilà. Donc pour ça, elles ont scellé un pacte. Marie Curie, Marie future Curie, est allée faire la gouvernante dans la campagne de Varsovie, voilà, chez une famille très riche, qui faisait de la, l'homme était dans la raffinerie, enfin bon, voilà, des gens extrêmement riches. Et Bronia arrive à Paris, à la Sorbonne, dans le froid, avec peu de sous en poche, machin. Donc en fait, la pièce raconte ça. Et raconte surtout qu'à un moment donné, Marie Curie, Marie future Curie, travaille donc comme gouvernante et tombe éperdument amoureux du mec, enfin, du fils de la famille, okay. Casimir. Pendant que Bronia, elle, tombe aussi amoureuse d'un Casimir, qui est polonais, et elle tombe amoureuse, lui aussi, machin, sauf que le couple se cache, c'est très confidentiel, parce que quand même c'est une relation un peu la gouvernante avec un homme riche. Voilà. Il l'aime, il veut l'épouser, les parents refusent catégoriquement que leur fils épouse une gouvernante. C'est l'image aussi. L'image. Grosse dépression, Marie Curie, bam, donc trois de tension, elle veut plus aller à Paris, gros bordel. Donc la pièce raconte ça aussi. Okay. D'où l'accessibilité à la jeunesse aussi, tu vois. Et donc c'est super parce que tu apprends vraiment que déjà, un, il n'y avait pas que Pierre Curie dans sa vie, il y en a eu d'autres avant. Que pour une histoire d'amour, elle aurait pu ne jamais venir à Paris et que sa sœur aînée, au-delà du fait d'être la première femme médecin d'origine polonaise diplômée de la Sorbonne, ouais. Donc c'est pas rien, ouais, c'est quelque chose. A quand même fait tout pour que sa frangine arrive à Paris. Quoi. Elle a sorti de sa dépression, elle avait plus de temps. Monsieur. Et donc voilà, et la pièce raconte ça. Et après, l'installation de Marie Curie, etc. Et évidemment, on est sur la rencontre avec Pierre Curie à un moment donné. Sur fond de musique de Hang en direct. Ah, c'est de là le musicien que tu as rencontré. Tu n'avais pas vu la bande-annonce sur, sur la compagnie Fabre, je te l'envoie. Et donc voilà, et la pièce s'arrête si tu veux. Voilà, elle est mariée à Pierre Curie et sa sœur repart en fait en Pologne. Donc si tu veux, il y a l'arrivée, le retour de Bronia qui elle est restée polonaise du coup, hein, parce qu'elle s'est mariée avec un Polonais en Pologne. Mais comment elle a pu faire cette recherche-là? C'est quand même assez compliqué. Bah écoute, elle est tombée. Je ne sais plus exactement comment c'est né. Elle s'est intéressée en fait à. Elle s'est intéressée à Marie Curie et puis elle est tombée sur des documents. Mais c'est officiel. Oui, oui. De toute façon, tout est officiel. Ah ouais. D'ailleurs, elle le dit quand on fait les spectacles. Là, le dernier au musée Curie qui a été vraiment génial, elle le dit. Ok, vous faites une préface avant de rentrer sur scène. Après. Un peu. Après. Ah, après, ok. Après, Natacha, elle monte sur scène puisque j'ai adapté son roman, donc je la présente, tout ça, et elle dit voilà, tout ce qui est dit dans cette pièce est vrai. Et certifié. Ok, c'est un acte presque solidaire parce que, puisque après la pièce, il y a une discussion. Ouais, il y a des débats et tout. Ouais. Sur aussi, et puis les femmes dans les sciences, et puis surtout l'égalité homme-femme, et puis le fait d'arriver. Enfin, c'est assez actuel si tu veux la pièce, parce que comment tu fais toi quand tu arrives d'un pays étranger pour te sentir bien dans un nouveau pays, c'est vachement à la mode, enfin, entre guillemets, pas bien, mais. Aussi, voilà, comment un étranger arrive aujourd'hui à apprivoiser un nouveau pays, à aujourd'hui, s'acclimater. C'est plus commun, mais à l'époque, ça ne l'était pas pour les femmes. Ça ne l'était pas, et pourquoi et ne pas laisser passer aussi l'idée que dans toute cette immigration, cette migration vers un pays, il y a des potentiels énormes et qu'il faut vraiment se préoccuper de ça, qu'il ne faut pas regarder. On s'en fout de la couleur, machin. Ce qu'il faut, c'est qu'il y a des gens qui ont envie de travailler et surtout qui ont envie d'étudier. Il faut les laisser faire quand on est dans un pays accueillant comme ça. Offertes encore des certain encore des étoiles. Une fenêtre ouverte. En si loin que nos pas nous portent, en plus haut des cieux, en juste à ma porte, porte bien la couronne ultime, taillée dans le bleu, silencieux abîme, encore des étoiles. Naïves et offertes, encore des étoiles à la découverte, encore des étoiles et des avions certes, encore des étoiles. Heures pile, ce vrai défi, partenaire de dépit, de beaux oiseaux de nuit. Dans la chambre d'amour, j'irai de temps en temps, mais le matin qui suit, je t'ai du paradis. Je reprendrai mes billes, ma montre Bulgarie, et reviendrai ici, dans la chambre d'ami. Que la pièce raconte, et c'est ça qu'on a mis vraiment en valeur aussi. Donc je pense que c'est pour ça qu'il y a, que les gens sont assez curieux, tu vois, on va la jouer un peu partout là, à partir de novembre, et je pense que les gens ont envie de... c'est une belle histoire, c'est une vraie belle histoire. Oui, mais c'est quand même assez, assez aride, c'est pas quelque chose de facile. T'as-tu trouvé un angle pour en parler? Est-ce que la musique apaise un peu? Alors exactement, le angle, ça interpelle déjà, oui. Parce que c'est un instrument qui n'est pas très vieux, qui a à peine 20 ans, tu vois. Oui. Et comme c'est un truc de son, d'expérimentation, un peu machin, ça fait très expérimental, très son bizarre. Donc les gens sont captés déjà. Ça, c'est même une de mes plus belles idées de mise en scène avec l'accordéon dans De temps d'horreur, Mon cœur de maintes immenses. Comment ça, comment cet instrument-là t'est arrivé aux oreilles? Ben écoute, merci. Merci. Déjà, moi, j'aime tous les spectacles que je monte, il y a la musique sur scène, déjà. Vivant, c'est pas des trames sonores, c'est... Non, j'aime pas la bande son. Ok. Au théâtre, ça me dérange pas. Tu vois, dans mon seul en scène, Petit Poison, il y avait de la bande son, mais c'est pas pareil. Non. Si j'étais seul en scène, c'est un autre travail après. Mais j'ai essayé d'ailleurs de travailler avec un musicien, mais c'était trop compliqué par rapport au texte. Il y avait beaucoup trop de travail à faire et j'étais pas... Le spectacle avait trop avancé, donc je pouvais pas le faire. Et sur Le Pacte des Sœurs, je voulais de la musique. Mais je savais pas quoi. Et l'année dernière, donc Clémentine, la comédienne qui joue Marie Curie, je continue l'histoire, elle lit Les Sœurs Savantes. Okay. Et elle se rend compte que dans Les Sœurs Savantes est cité un nom. Alors le nom, je ne pourrais pas te le redire exactement, mais c'était son arrière-grand-mère. Okay. Donc il se trouve que l'arrière-grand-mère de Clémentine, oh oui. Voilà, qui joue Marie Curie en fait, était copine avec Bronia, la sœur de Marie Curie. Donc Clémentine cherche à savoir qui a écrit ce livre. Elle tombe sur les éditions machin, elle appelle Natacha Henry. Oui, voilà, je suis l'arrière-arrière petite fille de machin, nanana, mais c'est génial, l'histoire, il faut absolument la monter au théâtre. Je connais quelqu'un qui pourrait l'adapter au théâtre, nanana. Et c'est toi. Voilà. Alors au début, ça aurait pu ne pas être moi, puis finalement c'était moi, parce que Marie, Hélène, avec qui j'ai bossé déjà bien sûr, aussi avait parlé de moi. J'ai remporté le concours. Oui, oui, oui. Mais comment ça s'est passé? Ben, elles m'ont proposé, en fait, elles m'ont dit, ouais, Isa, on voudrait monter ce spectacle. Est-ce que tu... Voilà, lis le roman et vois ce que ça peut. Voilà. Et donc, je lis le livre de Natacha. Et parallèlement, elle venait de terminer, si tu veux, l'écriture du roman Jeunesse. Ok. Donc qui dit la même chose, mais en beaucoup plus... là, pour le coup, c'est un vrai roman. L'autre, c'est vraiment un livre d'archives. C'est très technique. Ouais, ouais, ouais. Donc j'ai lu les deux. Donc je lis les deux. Je rencontre Natacha. Je fais, écoute, moi, j'adore cette histoire. Du coup, moi, j'ai perdu ma mère. En plus, à l'âge des filles, il y a quelque chose qui... J'ai une grande sœur. Ah ouais, il y a un truc qui était hyper... c'est très bizarre. Qui est connecté. Ouais, très connecté. Puis moi, je banco. Voilà, maintenant, moi j'écris comme ça, attention, tu sais, moi j'ai une plume assez nénénia. Natacha Henry, c'est un amour de gonzesse, qui a une belle nature, pleine de vie, on s'entend super bien d'ailleurs. Qui a eu, qui m'a fait confiance dès le début. Est-ce qu'elle t'avait vu? Elle m'a vu jouer. Alors, pardon pour le retard. Ben, il n'y a pas de problème. Mais pas de problème parce qu'on savait que t'allais arriver. C'est ça. Mais comment ça, Isabelle? Je ne comprends pas cette médisance. Du coup, je dis non, mais c'est moi la star, on s'en fout. Je vous embrasse, j'ai voir. Je suis en train de raconter les origines du pacte. Ah, d'accord, très bien. Mais c'est bien, t'as pris de l'avance. Ah, oui, mais c'est quand même. Allô, comment ça va? Ça va, Rénal. Excellent, même merci. Que j'ai deux chats. Très bien. Oui, ben écoute, avec tous nos. Ah, pardon, d'accord. Nos animaux à poil. nos petits... C'est nos... joli ces petits animaux à poils, là. Oui, j'aime beaucoup les animaux. Oui. Mais tant mieux. Mais ils sont pas agressifs, donc... Non. Voilà, ils sont sympas. Et donc, je rencontre Natacha, tout ça, et donc il me fait confiance pour l'adaptation. Et puis, je vais à Saint-Nazaire. Alors, je pars en fait 4 jours avec un copain à Saint-Nazaire. Enfin, non, j'allais pas à Saint-Nazaire à la base, j'allais au bord de la mer. Et une demi-journée, je vais à Saint-Nazaire. Le truc, la meuf, je savais pas quoi foutre de sa journée. Il se passe rien à Saint-Nazaire, hein. C'est très chouette, c'est un port, voilà, machin. Mais, tout à coup, j'entends un son. Okay. Un mec dans la rue tout seul. Je dis, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Je vais vers lui, je fais, mais c'est quoi cet instrument ? Mais c'est génial ! Et j'étais en pleine maturation lente de l'adaptation des sœurs savantes, enfin, du pacte des sœurs. Je vois ce mec, je fais, c'est quoi ? Dreadlocks, tu vois, le bon... Oui, c'est ça. Et je lui fais, c'est quoi ? Il m'explique, putain, c'est génial, c'est ça qui me... Et sans te mentir, je suis arrivée à Paris quelques jours après, j'ai dit aux filles, j'ai ma musique, j'ai mon instrument, il faut absolument que vous voyez, je vous fais écouter, et nanani, et nanani. Ok, t'avais amené un petit... Non, parce que je leur avais fait peut-être un lien YouTube ou je sais pas. Et Clémentine, qui connaissait quelqu'un qui faisait du hang, nous a présenté. On a fait une petite séance de hang dans un petit théâtre. Les filles ont écouté, elles ont aimé. Et voilà, j'ai commencé à écrire comme ça. Mais le musicien s'inspire un peu de ce qui se passe aussi. C'est pour ça que tu ne veux pas avoir de trame sonore. C'est vraiment les deux en contact, les acteurs et la musique. Un petit peu, mais enfin, c'est quand même très maîtrisé. Hein. OK. Ouais, ouais. On a tout travaillé, chaque scène. Nanana. On va retravailler là, à la rentrée. Mais il y a quand même, c'est très... Il n'y a pas d'improvisation. Ah non, OK. Mais si tu veux, on ne l'a pas suffisamment joué. C'est une création. On démarre tout juste. On a commencé en mars. On l'a joué 4 fois. Y a-t-il des grosses modifications? Il va y avoir en tout cas des modifications. Mais de la première à la quatrième, non, vous avez quand même voulu garder... Il y a eu des modifications. Ouais, des coupures ou des rajouts? Il y a eu des coupures, il y en aura encore. Parce que c'est un petit peu long encore par moment. Mais ça se complète super bien. Est-ce que à la discussion avec le public, c'est là que tu dis, OK, on va couper là, on va raturer? Non, parce que les spectateurs ne trouvent pas ça forcément long. À part quelques-uns. Parce que c'est juste toi, c'est ta vision. Avec Natacha, ouais. OK. Ouais, je trouve que par moments, il y a des trucs qui ne servent peut-être plus à grand-chose. En fait, il y a des moments où elles sont tellement... En osmose? Ouais, ça marche tellement bien. Je me dis, tu peux pas raconter plus de choses que ça, ça en dit long. Ouais, je pense qu'on peut couper 2-3 trucs, là. Bon, on va voir ça à la rentrée, parce qu'elles reprennent le spectacle et tout, mais... La musique, il y a un bel accompagnement. En fait, c'est une belle symbiose. Les trois, là, c'est très chouette. Et qu'est-ce qui t'a amené à placer des comédiens que tu connaissais dans ces rôles-là? Est-ce que tu... Bah, j'ai pas eu le choix, en fait. On m'a imposé mes comédiennes. Ah oui, ah non. Moi qui voulais Gianni et Isabelle Huppert, je suis un peu déçue. Elles étaient débordées. Huppert tournait avec Anneke. Non, on sait pas pourquoi. Alors que moi, Anneke. Ben oui. Non, mais Marie, j'ai bossé avec elle beaucoup, tu sais. Mais surtout pour des spectacles pour enfants. Des... Alors, de temps d'horreur, non, parce que c'est un spectacle. Oui. Sur la résistance, c'est pas un spectacle. Oui, non, mais les autres. Et Marie, elle est comédienne et comédienne aussi sur un spectacle qu'elle a créé pour enfants. Mais du coup, on travaille ensemble régulièrement et puis on vit ensemble d'ailleurs. Ben oui, pas loin, pas loin. D'ailleurs, on va se marier l'année prochaine. Bon. Revue mon cachet. Mais voilà, oui, bon. Non, mais voilà, on développe le projet ensemble. C'est vrai que ça m'aurait vraiment fait chier. Je sais même pas, franchement, pour être très honnête, je sais pas si j'aurais. Je l'aurais adapté, j'aurais pas mis en scène si elle avait pas été dedans. Mais ça m'aurait dérangé quelque part. Voilà, oui, mais tu la voyais déjà dans un rôle ou si tu lui as proposé de choisir Non, elle l'avait choisi déjà. Elle joue Grogna. Elle est très bien d'ailleurs. On ne savait pas ce que ça donnerait. Hein. On a travaillé et moi-même, j'ai eu des petits doutes. Je lui ai dit, j'avais un doute sur ce personnage quand on l'a répété. Je me suis dit, mais est-ce que je vais y arriver? Pourquoi? Qu'est-ce qui te... Mais je sais pas. Je pamplemousse. Et je sais pas qu'est-ce qui m'a dérangé. J'aurais bien mettre un café en plus. Je sais pas, peut-être que c'est du personnel. Je pense que tu traversais un petit moment de doute personnel. Et tu ne sentais pas à l'aise dans ce rôle-là? Mais je me sentais, ça me parlait énormément. Ça parle du féminisme, c'est magnifique cette femme, elle me porte sur scène. Je me suis dit, mais je sais pas, non, je crois que c'était un truc un peu personnel, à une époque un peu... Charnière. De surmenage, de fatigue, de plein de choses. Ouais. Et voilà, puis finalement, il m'a presque sauvé ce rôle-là. Mais surtout que les gens te disant sans doute, ah non, il faut pas abandonner, il faut continuer, oui, parce que vous voyez, c'est un peu eux qui ben, t'ont oui, propulsé. C'est, elles n'ont jamais abandonné, ces femmes-là, donc finalement, ben, voilà, on n'a pas abandonné, et, mais c'était dur à un moment donné, c'est dur la création, c'est oui. dur. Oh, oui, oui. C'est ouais. dur pour tout, et on passe par des doutes. Des abîmes de doutes. Mais oui, et puis là, à la première, la générale, c'était magnifique. Magnifique ce qui s'est passé. Et puis là, on se dit, bon, on va continuer. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a de la magie dans cette pièce-là? Bon, il y en a eu, ce que disait Marie, hein, il y a eu de la magie parce que la première, si tu veux, ce spectacle, en fait, a été créé doucement. On a fait ça avec comme on a pu. On a un coproducteur, on a fait les choses comme on, vraiment avec les moyens du bord au départ. Et c'est toujours pareil, la création, l'argent n'arrive pas tout de suite. Et la première date de ce spectacle était prévue en vrai de vrai, le 19 mai 2018, il y a un mois. Ah oui. Jamais, au grand jamais, regardez, est-ce que je tremble? Non, jamais, plutôt crever que laisser la vie me descendre. Non, jamais, jamais, au grand jamais. Céderai-je dans mes bras la place de ma guitare à une bague au doigt? Suis-je d'effroi glacé quand je monte sur scène? S'est-on déjà brûlé à la chaleur humaine? Non, jamais, au grand jamais, regardez, est-ce que je tremble? Non, jamais, plutôt crever que laisser la vie me descendre. Non, jamais, jamais, au grand jamais. Non, jamais, au grand jamais, regardez-moi. Est-ce que je tremble? Non, jamais, plutôt crever que laisser la vie me descendre. Non, jamais, au grand jamais, et achevez-moi si je tremble. Car jamais, au grand jamais, je ne laisserai cette vie me descendre. Non, jamais, jamais, jamais. Au grand jamais. Au grand jamais. Jamais, jamais. Vous écoutez Errance Rinaldienne sur CKRL-MF, le 89.1 à Québec, avec Rénald Gagné. J'avançais les pensées dans le vent. Tu rêvais de mille cerfs-volants. Oh, mon esquimaude, que la nuit est chaude. Entre tes ailes, il fait bon, ma belle. Oh, mon esquimaude, que la nuit est chaude. Entre tes ailes, il fait bon, ma belle. J'ai volé un arbre au ciel. Tu en as fait un violon éternel. En attendant les poissons de nuit, patiemment je jouais une mélodie. Oh, mon esquimaude, que la nuit est chaude. Entre tes ailes, il fait bon, ma belle. Oh, mon esquimaude, que la nuit est chaude. Entre tes ailes, il fait bon. Parce que la vie est comme ça, les réseaux, parce qu'avec on nous invite quelque part, on discute, voilà. Et j'assiste en fait en décembre de l'année dernière, 2017, à une grosse réunion sur la place des femmes. Donc j'y vais avec la chargée de diffusion de la compagnie du Saut de l'Ange. Et puis j'entends le nom de la compagnie du Saut de l'Ange, donc je lève la main. Justement, nous on a un projet, voilà. Et c'était pour la semaine des droits des femmes, en mars, tu vois. Et donc je propose ce spectacle-là. Il y avait de tant d'horreur, mon cœur devint immense, mais bon, c'était bien de lancer la création. Bon, j'y croyais pas spécialement, hein, je disais pas aux filles, c'est sûr, on va jouer, mais... Aviez-vous déjà le texte Bah non, justement. Ça, c'est ça le problème, c'est que du coup, entre le moment où il y a eu un vrai intérêt de la pièce et le moment où on a joué, il y a eu un mois, quoi. Okay. Oh, pour tout amalgamer le texte, ouais, apprendre par cœur. Décor, mais... musique. La gestuelle aussi, La mise en scène. Le musicien, parce qu'il y a eu des soucis, disons, logistiques avec le musicien Francesco qui vivait à Paris. Donc c'était beaucoup plus facile pour nous géographiquement de l'attraper. Ouais. Mais il y a eu des soucis logistiques, donc du coup on s'est retrouvés, et je suis très heureuse parce que c'est un très bon musicien, à travailler avec un musicien. Il n'y en a pas des millions des musiciens de hang en France. Okay. Non, c'est ça, c'est en plus un instrument assez jeune. Assez rare. En 20 ans, je crois. C'est ça. Il est à Grenoble. Donc il fallait mettre en place des répétitions avec les filles. Bah, en même temps, elle a joué de temps d'horreur à Nantes, donc il fallait reprendre des répétitions. Donc en fait, tout a été très chronométré, ce qui fait que le jour de la première à la mairie du 4e, avec tout le staff de la mairie du 4, parce que là, dans cette mairie-là, elle est formidable, parce que tout le monde vient voir le spectacle, les élus, tous. Blindés la mairie, hein, je crois qu'ils n'avaient jamais vu autant de monde pour un spectacle. Et c'était la première. C'était la première. Une heure avant le début de la pièce, on n'avait même pas fait les trois quarts de la pièce. Ça veut dire que la fin... Donc elles avaient le texte quand même. Sur le plateau, j'avais prévenu les spectateurs en disant voilà, c'est la création, okay. C'est une première. Donc elles vont garder le texte. Tu parles que je ne l'aurais pas dit, les gens ne s'en seraient même pas aperçus. Ça a été incroyable. Magique. Ah oui, magique. J'en ai la chair de feu. Et c'est fou, hein, une journée d'enfer où tu te dis, bon, bah, non, on court à la catastrophe. Oh, c'est ouais. Le pire cauchemar d'une comédienne, ouais. D'arriver comme ça et de ne pas connaître assez bien son texte, de ne pas avoir encore bien vu les intentions. Voilà. Et bien, bizarrement, tout s'est mis en place. Je pense, moi, je crois beaucoup à l'univers, ce que me renvoie l'univers. Je me dis, en fait, tout est en place dans la vie. Et là, ça s'est mis en place. Il y a eu de la magie, en effet, sur ça. Et ça, c'est un cadeau du ciel. Je me dis, mais... Et là, du coup, ça nous a donné un souffle. Et puis depuis, bah, il y a des magnifiques rencontres, il y a des magnifiques choses qui se mettent en place. Et tu te dis, mais c'est pas possible, je vais finir par croire en Dieu, quelque chose. Il y a quelque chose quoi, qui nous dépasse, vraiment. Je crois, de cet ordre-là. Je crois vraiment que c'est un très beau spectacle. Vraiment. En plus... Et malgré tout, tu veux resserrer. Hein ? Malgré tout, tu veux resserrer. Non, ce que je veux resserrer, c'est... si tu veux, je veux resserrer aussi, c'est plutôt... C'est un calcul marketing. Parce qu'il y a des endroits où tu ne vendras pas la pièce si elle reste dans l'état. Au niveau du temps. Tu vois, il y a... par exemple, là, on a probablement une grosse tournée en Pologne qui s'annonce. On va avoir pas mal de dates. On a rendez-vous avec le mec là, à la fin du mois de juillet, mais on a eu plein... pour des trucs francophones, on joue en français. Donc c'est génial ça, c'est une grosse nouvelle. Mais merci. Mais ça, il faut que ce soit une heure. Il faut vraiment raccourcir. Et là, ça fait quoi, 1h10? 1h15, 20. Okay. Voilà. Maintenant, on va jouer le spectacle à Montauban, parce qu'on est allé à Montauban avec Marie défendre le prix Olympe de Gouges. Mmh. On était donc deuxième, on a fini... Pas mal. C'était... Mais là, ça va bien depuis quelques temps, vous surfez sur le succès. Oh, le succès, je sais pas, on n'a pas encore assez d'argent. Non. Oui, on n'a jamais assez. Non, mais ça vient. Mais disons que humainement, il y a des dates qui arrivent, on va jouer à Aix-en-Provence, à Cognac, toujours dans ce milieu un peu de collectif de femmes, etc. Donc il y a des tournées dans les instituts français qui commencent à se profiler, donc en Pologne. J'ai même j'en ai parlé à Isabelle aujourd'hui, à Agadir aussi. Enfin, il y a des belles choses qui se mettent en place, mais c'est vrai que nous, on aimerait bien avoir une centaine de dates devant nous pour pouvoir vivre de notre métier correctement. Mais après, c'est beau ce qui se passe. Mais quand même, vous pouvez voyager, c'est ça qui est un luxe. Ouais, c'est ça qui est beau. On voyage, on rencontre des gens. On a bien bougé quand même. C'est vrai que si on est parti à Agadir toutes les deux au mois d'octobre. Mais ouais, c'est bien. Mais bon, là, ça nous manque un peu. Moi, j'aimerais bien repartir un peu sur les routes, quoi. Tout ça. Mais là, la Pologne, c'est combien de dates? Bah écoute, pour l'instant, là j'ai regardé, dans le circuit, on a une 8 dates. Ah c'est bon, c'est bien. Mais là, tu veux retrancher quand là? Tu veux raccourcir à quel moment? Parce que là, tu l'avais joué jusqu'à 4 fois actuellement. C'est ça, puis jamais dans le même lieu. Donc c'est ça le truc en fait, c'est qu'elles l'ont joué dans une mairie, donc une mairie, il n'y a pas de lumière. Donc du coup, dans un super beau lieu par contre, mais pas de lumière. Dans un foyer d'étudiantes, alors c'est un théâtre, mais un théâtre bon, avec encore une lumière très petit plateau. Elles ont joué 4 fois dans 4 lieux différents. Donc déjà, on sait qu'elles peuvent jouer partout. N'importe où, ouais. Même là, demain, là. Ils sont partout. Des lieux atypiques. Là, au bar, au chinon, on peut jouer. Ouais. Tout, on bouge de la rue, on peut jouer partout. Ouais, c'est l'avantage du spectacle. D'ailleurs, le spectacle sur les femmes dans la résistance, on a fait les CCAS, village vacances de l'EDF. On a fait le sud de la France, le Lavandou et je sais plus où. Bon, on a joué sans décor. Hein. Ils nous avaient... voilà, donc je veux dire, tout est fait dans les spectacles pour que ce soit adaptable. Hein. Voilà, donc si tu veux... maintenant, la pièce, on la joue vraiment... on a testé aussi, parce que La première était particulièrement longue. On a recoupé après le texte avec Natacha, avec son accord, on a recoupé. Là, si tu veux, en l'état, la pièce, elle est très bien. Il y a pas grand-chose à couper. Il y a deux, trois conneries à enlever, toujours, évidemment. Mais en tout cas, pour les instituts français, il faut que ça dure une heure. Pour là, les filles, elles vont aller jouer à Aix-en-Provence, au centre des congrès, dans le cadre d'un gros colloque sur les femmes, machin, nanana. Il faut insérer le spectacle, il faut que ça fasse une heure, pas plus. Donc là, c'est une demande qui nous a été faite. Par contre, comme le disait très justement le coproducteur, on va jouer à Montauban au Théâtre Olympe de Gouges. C'est un théâtre, c'est une pièce qui est attendue, qui est dans la programmation. Tu ne peux pas te permettre de faire juste une heure. Là, les gens payent leur place et voilà. Donc là, c'est une heure et quart et on ne va rien changer. Tu vois. Alors, vous allez avoir plusieurs versions. Donc, on va faire deux versions, une plus courte et une et la normale que les filles connaissent. Avec deux, trois petits changements de texte, tu vois. Mais c'est rare que tu fais ça au théâtre, que tu prépares deux versions, une pièce... Je crois que ça doit se faire de plus en plus, ouais. À mon avis. Ah oui, ouais. Pour vraiment suivre... Le... Pour rentrer dans les trucs, ouais, ouais, ouais, dans les codes, ouais. Est-ce que tu trouves ça enrichissant ou au contraire, ça te bloque un peu? Là? Bah moi, je m'en fiche un peu, je joue pas. Hein. C'est sûr, je pense que pour les comédiens, c'est chiant. Oui, moi, on m'a déjà enlevé du texte. Hein. Okay. Alors, je tiens à le dire. Mon personnage Bronia a une thèse sur l'allaitement et on m'a enlevé pas mal de choses. Enfin bon, en même temps, je ne vais pas faire toute la thèse, hein, ça ennuierait. Mais, ouais. Mais elle est très intéressante, cette femme. Et il y a plein de passages comme ça où j'aurais voulu parler davantage. On ne peut pas tout mettre dans une pièce, hélas. Non. Elle parle des femmes, des ouvrières qui travaillent dans les abattoirs, des choses comme ça, parce qu'elle habitait près des abattoirs. La Villette, rue Curial, tout ça, à Paris, et c'était la pauvreté, la misère, et elle s'intéressait beaucoup à ces femmes-là, et même à les soigner gratuitement avec son mari. Et il y a plein de passages comme ça où elle parlait de ces femmes, et dont on a été obligé de couper pas mal, parce que pour se recentrer sur ce pacte, sur cette solidarité de sœurs, cette histoire de sœurs, ne pas trop aller... mais bon, c'est un peu dommage, mais il y a des petites bribes, quoi. Mais tu pourrais pas faire une pièce uniquement avec le personnage, ce personnage-là? Ah si, c'est sûr. Ouais. Ça va qu'à sortir un autre segment de... Bronia, elle seule, c'est un personnage déjà. Enfin, après, elle, on a fait un vrai personnage aussi. Oh, hein, okay, parce que ouais. On n'avait pas d'idée... moi, j'avais pas d'idée... Enfin, malheureusement, quand tu regardes un peu la tête de Marie Curie, au départ, moi, c'est... Fin... C'est tout à surpris. Mais ouais, non, mais tu fais... Ouais, pff, oh là là. C'est le truc con, mais c'est vraiment... On est con parfois, mais tu fais... Oh là, on va chercher Marie Curie, c'est bon. En fait, alors, mon image de la laborantine avec sa blouse grise noire, Maria Pierre Curie à la barbe. Bon, bref. Et donc, Bronia, il y a très peu d'archives, très peu de photos. Et puis, c'est ce que tu vois, c'est pas non plus bon, top ambiance, quoi. Et finalement, tu lis les romans et tu lis les livres. Et la façon dont j'écris, enfin, c'est pas la façon dont j'écris, mais c'est les dialogues qu'on a fait ensemble et leur caractère à chacune, en fait, qui match et qui donne, en fait. Un caractère particulier, défini en fait, si tu as chacun des personnages. Okay. J'aime ta couleur café, tes cheveux café, ta gorge café. J'aime quand pour moi tu danses, alors j'entends murmurer tous tes bracelets, jolis bracelets. À tes pieds ils se balancent. C'est quand même fou l'effet que ça fait de te voir rouler ainsi des yeux et des hanches. Si tu fais comme le café, rien qu'à m'énerver, rien qu'à m'exciter, ce soir la nuit sera blanche. Philosopher, c'est comme le café, très vite passé. Mais que veux-tu que j'y fasse? On en a marre de café. Et c'est terminé. Pour tout oublier, on attend que ça se tasse. Je pense que Brognette est vraiment comme Marie l'interprète, mais elle y a mis sa touche. Alors il y a quelque chose de... Elle est plus grande que la comédienne en vrai. Elle est plus âgée réellement, Marie. Donc ça matche bien, ça paraît vraiment sa sœur, on l'a vu. Et il y a des grains de folie de Marie, comédienne, qui sont très très bien... Mais tu lui as autorisé à faire à aller plus loin que le personnage? Ouais, de toute façon, il n'y a pas de problème. Hein. Mais ça brise, quand ça brise pas la consonance, quand ça brise non, pas c'est l'intérêt ça. De... Bah, non, bien sûr. Tant que ça va pas, qu'on caricature rien, qu'on est en accord avec le texte original et que l'auteur est d'accord, il n'y a pas, mais au contraire, elle peut pousser loin. Marie, elle est plus fantaisiste qu'elle n'y paraît, en plus, tu vois, sur le plateau. Ok. La difficulté, c'était plus par rapport à sa collègue, à Clémentine, qui est une comédienne que je ne connaissais pas en tant que... Moi, je n'avais pas travaillé avec elle. Mais qui t'a été proposée? Celle qui avait porté le projet, celle okay. qui a apporté le okay, projet, alors, tu donc, sais. Ouais, ça venait avec le... Ouais. Parce que Clémentine, c'est l'arrière-arrière-petite-fille de Maria Radowska, qui était une amie de Marie Curie et de Brognette. Ah oui, ça, je sais l'histoire. Voilà, ouais, ça, tu sais, voilà, oui. C'est pour ça, en fait, c'est elle qui a porté le projet, c'est elle qui nous a... Est-ce qu'elle était comédienne ou... Oui, ok. Clémentine, elle est comédienne, mais moi je l'avais vu jouer dans un spectacle avec Marie. Mais je ne l'ai pas vu jouer par ailleurs. Mais elle dégage un truc, c'est une jolie jeune fille, pleine d'énergie. Mais c'est pas vraiment la vision que tu voulais donner. Ah si, si, de toute façon, je la trouvais parfaite physiquement pour Marie Curie. Physiquement, je trouvais qu'elle était un peu trop, peut-être trop jolie pour jouer Marie Curie par rapport aux photos que j'avais moi. Mais je la trouvais bien. Et si tu veux, c'est toujours ça qui est génial aussi quand tu mets en scène, c'est que tu ne sais pas. Moi j'adore la mettre en scène, j'aime bien diriger des acteurs parce que je trouve que c'est. Parce que ça t'enrichit aussi toi. Oui. Surtout quand tu joues, ça t'enrichit. Tu vois les défauts qu'ils font ou qu'elles font et que tu te dis, mais je les ferai jamais, moi c'est des. Mais en fait tu les fais toi aussi. Isabelle ne laisse rien passer. Mais surtout que t'es. Ouais. Surtout que t'es l'œil extérieur. Ah, c'est... En plus. Voilà, donc, je suis la première ça, spectatrice. Oui, oui. Ouais. Et si tu veux, autant Marie, j'ai bossé avec elle et je sais qu'en répétition, elle donne pas le meilleur d'elle-même. Ok, comment ça? Ah merci, la glandeuse de première. Oui, c'est ça, exact. Non, je sais pas, j'ai besoin du public pour okay. Rôder le spectacle. Tu trouves que la magie vient... Mais oui, j'arrive pas à trouver un élan, c'est le contraire, Clémentine c'est le contraire. Clémentine, elle va proposer une tonne de choses. Moi, on peut pas dire que je suis force de propositions en répétition, bon. Je sais pas, je tâtonne, mais non, j'ai besoin du public. Mais c'est vraiment beaucoup de travail pour toi, donc tu préfères le jeu au travail que ça peut procurer lorsque vous êtes entre comédien, comédienne, metteur en scène. Puis quand le public arrive, là, c'est là que la magie s'opère et tu te sens plus à l'aise de proposer pendant ce temps-là. Exactement. Je prends des risques, en fait, devant le public et il y a des propositions qui fluent. Mais pourquoi vous ne travaillez pas devant un petit public de 10-15 personnes? Ouais, ça peut être intéressant pour... Ça se fait d'ailleurs, ça, oui, ben oui. Une espèce de résidence oui, comme ça. Exactement. Avec, mais bon, pour faire ça, il faut déjà avoir bien avancé dans le travail quand même. Oui. Mais en fait, pour rebondir par rapport à ce que dit Marie, c'est pas qu'elle... C'est pas les propositions. Le truc, c'est qu'en fait, Marie, elle a une façon de travailler qui est qu'en fait, elle entend énormément ce que tu lui dis. Je suis lente. Mais c'est une maturation lente. Très lente. Voilà. C'est une comédienne qui prend le temps d'analyser de façon très, très personnelle les choses. Mais elle prend tout. Mais après, elle va faire son petit tri sélectif parce qu'elle est très écolo. Elle fait son petit tri sélectif. C'est vraiment ça en plus. Oui, non, ça, non, ça. Non. Mais elle dit rien. Mais par contre, elle a entendu, elle a trié. Puis je pense qu'elle a compris le message que je voulais faire passer. Voilà. Clémentine est malade. Mais par contre, elle ne le fait pas du tout. Okay. Elle fait tout. C'est un peu le bazar. Elle fait... En fait, si tu veux, elle est toute seule sur le plateau en répétition. Tu sens qu'elle a quelqu'un qui est là, Enfin, moi, je le ressens comme ça. Hein. Qui la guide, donc moi, en l'occurrence, la metteuse en scène. Elle est là, elle sait que je suis là. Il n'y a aucun souci, il y a une confiance. Mais après, il faut la lâcher. Okay. Clémentine... Sa camarade de jeu, elle prend beaucoup, elle écoute, elle essaie de faire, mais il faut toujours faire. C'est bien aussi. Sauf qu'en répétition, elle fait. Mais une fois sur le plateau, elle revient à ce qu'elle sait faire, elle, sans avoir pris le temps justement de mûrir les informations de la metteur en scène. Donc, sur le plateau, j'ai une Marie-Hélène qui fait du Brogna et je me fais... Ah ouais, non, bah d'accord, super, bravo, elle m'a complètement compris, mais c'est exactement ce que je voulais. Alors qu'on répète, je me suis dit, putain, on va jamais y arriver, je vais changer de comédienne. Et Clémentine, en plateau, c'est... Enfin, genre, on répète, tu fais, ah putain, c'est super, mais là, c'est bien ce que tu as fait, c'est génial, note ça. Et tu peux être sûr que sur le plateau, devant le public, eh ben non, parce qu'elle a le trac, qu'elle n'a pas confiance en elle encore en tant que comédienne, que elle, Marie, c'est quelqu'un qui, dans la vie, a pas une grande confiance en elle, mais alors sur le plateau... Je soigne. Finger in the noise. Je veux dire, il peut rien lui arriver sur le plateau. Il peut y avoir, mais je sais pas, une invasion d'aliens dans les coulisses, mais alors elle... Concentrée. Ah mais attends, mais moi j'ai mon texte, mon... Mais vraiment, c'est remarquable. Moi je l'ai vu dans l'autre pièce sur la résistance, qui a un rôle... tu lâches pas, tu peux pas lâcher. Si tu lâches 3 secondes, c'est fini, les gens dorment avec toi, c'est parti. Là, j'ai beaucoup pensé avec Simone Veil au personnage qu'elle interprète, mais elle ne lâche rien sur le plateau, c'est juste, c'est la comédienne en qui tu peux avoir confiance. Tu sais que c'est ta partenaire de jeu, il n'y a aucun risque, aucun risque. Clémentine, c'est plus brouillon encore. Alors de moins en moins, là, au Musée Curie, elle était exceptionnelle. Hein. Il y a mais, beaucoup d'émotions, beaucoup d'émotions. Voilà, mais elle est peut-être trop dans l'émotion, vraiment trop dans le trac. Okay. Donc trop... dépassée un peu par... voilà. Mais ça va venir, elle est très très bien dans ce rôle, ça lui va parfaitement bien et ça mûrit lentement. Et je te dis, la dernière au Musée Curie, c'était exceptionnel, elles étaient super. Donc sous l'osmose, elle a commencé vraiment à fonctionner. Alors ça a pris 4 séances avant d'être, d'être bien préparé. Ouais. Ça sera encore mieux. Hein. Ah oui, mais c'est certain que... Quand on va venir au Québec, ce sera formidable. Ah ben oui, on t'attend. Pas l'hiver, hein, parce que... Pourquoi? Il fait très froid au Québec. Ben c'est pas grave. on a des vêtements d'hiver. C'est ça, on a des vêtements. J'ai plein d'amis qui sont partis vivre au Québec. Est-ce qu'ils sont revenus, non? Ben non. Ben non, normalement, non. C'est ça. Ils ont fait jamais revenir. Non, ça colle au Québec. Mais ce travail-là, c'est quand même beaucoup de travail. C'est... des belles rencontres, mais comment ça a pris combien de mois avant de se rendre à la première scène? Ben écoute, j'ai commencé à écrire en vraiment juillet 2017. Ouais, première mouture du texte octobre. J'ai donné la première version du texte à Natacha en octobre. On a retravaillé et on a commencé les répétitions en février. Ça a été quand même assez rapide. Ouais. Mais qu'est-ce qui t'animait pour la faire aussi... L'argent, je pense. L'argent, oui. Le gros chèque d'un million. Le blé. C'est vrai que, grâce à Dieu, j'habite là maintenant. Ah oui, ok, d'accord, oui. Non, ce qui m'animait, c'est que j'adore l'histoire, en fait. Ok. J'adore l'histoire, je crois que en fait, j'aime bien les challenges, moi. J'aime bien me foutre dans la merde aussi, je crois, parfois. Je me dis, j'aime bien parfois faire « Ouais, mais tu comprends, j'ai plus d'argent, je vais mourir ». J'aime bien la comédie. Okay. Ouais. Parce que c'est comme se foutre dans la merde, parce qu'on a monté encore un projet. C'est super, il y a des très très beaux projets, mais... On avait ça reste des projets. Non, mais non, la preuve que non, tu vois, on n'en est plus là maintenant. On a vraiment tout s'est concrétisé, mais si tu veux, au stade du projet, on a des belles ambitions. Et à chaque nouveau projet, il faut se remettre dans une énergie de recherche d'argent, etc. C'est ça qui est épuisant. Et c'était pas trop notre rôle, là, pour le coup, sur ce spectacle. Enfin, voilà, on avait chacune notre part, hein, d'adaptatrice, metteuse en scène, comédienne, machin. Et c'est toute la difficulté quand on porte un projet, c'est qu'en fait, tu te retrouves avec 15 000 casquettes. Et il y a le quotidien, et que à un moment donné, tu pètes les plombs parce que tu trouves que c'est bien beau ce que tu fais, mais à un moment donné, il faut bouffer. Bon, rien de neuf sous le soleil des abysses, hein. C'est toujours pareil. Hein. Ouais. Voilà, aujourd'hui on est contente parce que chaque spectacle, il y a eu de l'argent un peu quand même, forcément. Voilà, les choses se font, il va y avoir des ventes, tout est formidable. Maintenant, effectivement, pour qu'un spectacle qui a une vraie pérennisation, si tu veux, il faut qu'il y ait 30 dates, 40 dates, voilà, c'est pas... Non, mais quand même, je trouve que ça fonctionne assez bien puisque vous allez le faire à l'extérieur de la France. Mmh. Donc, c'est quand même une belle opportunité. Pour être vu, c'est une très belle opportunité. Tu ne peux pas abandonner. Puis tu vois que le travail que tu as mis là-dedans est quand même un résultat. Non, puis les spectateurs étaient ravis. Le public, on a fait des dates, c'était formidable. Franchement, c'était inespéré. Je crois qu'il n'y a pas une des dates où... C'était formidable, quoi. Enfin, franchement, le retour était super. des liaisons, non plus de 13 ans, plus de liaisons. Comment devineras-tu si je tremble dans tes bras, si je soupire dans tes cheveux? C'est tes derniers liaisons quelque part dans ma tête, c'est ce qui se passe. Mais tu sais grandir, ne me laisse pas le choix. Non, ce musée, ce léman, ça semble un tel crime à présent. Vais jouer sur la rue et tu mourras écrasé. Plus de liaison, plus de 13 ans, plus de liaison. C'était spontané, mais on a rappelé les autres. On s'est mis au lit avec nos précédents amants. Il est à feu là-dedans, plus de liaison. Chers amis, si. Si je vous. Si je vous ai bien compris. Si je vous ai bien compris, vous êtes en train de dire à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois.